Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Non, mais je crois que la Chine a désormais les moyens d'acheter le monde. C'est aussi simple que ça. Cette semaine, la Chine. Et de la même façon, vous avez l'invention d'un slogan par l'équipe dirigeante précédente, celle actuelle de Xi Jinping. Donc vous avez l'équipe de Hu Jintao, avant 2012, qui a inventé ce slogan de société socialiste d'harmonie. De Confucius au nouveau maître. C'est un certain Zhu Xi qu'on a souvent comparé à une sorte de Thomas d'Aquin chinois, enfin, qui a décidé que un certain nombre de textes courts, dont les entretiens de Confucius, entreraient dans le corpus des écritures canoniques confucéennes. Culture. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie sous les yeux du monde entier, s'est réveillée, nettoyée par l'armée. Et politique. Histoire vivante, cette semaine, la Chine. Aujourd'hui, entretien avec Louise Muller, réalisatrice du documentaire « Le monde selon Xi Jinping ». Nous sommes en compagnie de Louise Muller qui vient de réaliser le prochain documentaire d'Histoire vivante, à voir dimanche soir sur RTS2. On a affaire à la Chine politique, on a affaire au numéro 1 de la Chine politique, Xi Jinping. C'est l'occasion de pouvoir s'intéresser, et les films concernant la Chine ne sont pas si nombreux, parce qu'il semblerait, au dire de la réalisatrice qui nous le disait hier à ce même micro, vous ne vous intéressez pas, vous, cher public, suffisamment à la Chine. J'ai eu l'impression d'ailleurs que vous signiez là un documentaire qui avait une intention d'avertisseur, comme si vous envoyiez un assez gros coup de klaxon en disant « Oh !» Cher voisin, et si vous commenciez à vous réveiller sur ce qui est autour de nous, sur ce qui est face à nous, sur ce qui peut-être sera contre nous. Exactement, c'est vrai que j'ai eu envie de faire ce film à partir d'un événement assez assez intéressant. C'était le Davos 2017, hein, donc le rassemblement de l'élite économique, financière et politique, hein, de la planète. L'invité de premier plan était Xi Jinping, donc en janvier 2017, et c'est quand même le président du plus grand pays communiste du monde qui reste communiste, hein, comme on le disait. Hein. Et il a servi un discours très rassurant, alors très libéral, très axé sur le libre-échange et très rassurant aussi, comme si il se positionnait, comme si la Chine se positionnait pour la première fois au niveau mondial comme facteur de stabilité. C'était un moyen d'accueillir Trump avec beaucoup d'humour, peut-être, un second degré chinois. Alors c'est ça, Trump venait tout juste d'être investi, il n'était pas présent, et on a eu le sentiment, les spécialistes ont eu le sentiment qu'il prenait la place finalement, la place vacante. Et c'est en ça, c'est un dirigeant qui est assez, comment dire... De l'audace, toujours voilà, de l'audace. Voilà, très audacieux, et puis il sait saisir le moment et prendre sa place. Et là, il l'a prise, et c'était assez surréaliste, parce que le dirigeant, quand même, du plus grand pays communiste du monde, servait un discours sur le libre-échange, sur le libéralisme, sur les portes de la Chine qui étaient grandes ouvertes pour accueillir le monde, alors que c'est pas du tout ça. Les spécialistes, ça a fait rire beaucoup de spécialistes, enfin rire, ça a plutôt inquiété beaucoup de spécialistes, parce que la Chine, au niveau économique, est très protectionniste. Elle ne respecte pas toujours son adhésion à l'OMC, elle ne respecte pas toutes les règles, donc c'était quand même... Mais affiche en permanence un visage bonhomme, et lui a un visage bonhomme. C'est en body ça. Language, pour dire un joli mot extrêmement français, il ne présente aucun signe d'agressivité. C'est ça, comme dit un spécialiste qu'on a interviewé dans le film, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est quelqu'un qui est très charismatique, très souriant, bonhomme. Caressant, voilà, qui sait accueillir les étrangers, qui sait les mettre à l'aise, qui est à l'aise, voilà, et ça c'est nouveau avec les dirigeants internationaux. Ouais. Il paraît, après, bon, nous on a regardé pas mal d'archives. Alors c'est quoi, retire ton masque, Satanas, on t'a reconnu, ou... C'est quand même... alors, le masque, oui, il a un masque et le masque est en train de tomber parce que jusqu'à maintenant, la Chine adoptait, comme on l'a déjà dit, le profil bas. Et là, aujourd'hui, avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la Chine revendique sa puissance et revendique le rôle qu'elle a à jouer sur l'échiquier mondial. Ce qui est nouveau, c'est que elle revendique sa puissance. On n'est plus dans une... un entre-deux. Voilà, on n'est plus dans un entre-deux. C'est le moment pour elle de saisir l'opportunité. Alors, il y a eu la conjoncture qui fait que Trump, effectivement, voilà, a un peu déstabilisé aussi l'ordre mondial parce que... Ah bon, vous avez remarqué? Non, mais disons que c'était le moment et il l'a saisi à Davos, voilà, en disant « je vais vous rassurer, je vais prendre en main un peu le bon ordre pour la planète. Je vais vous trouver des solutions, en fait. Je suis là pour trouver des solutions, pour que tout aille bien. » Les chapitres sont multiples. Ils sont à la fois économiques, culturels, militaires. On va essayer d'en choisir un qui est peut-être pas le plus développé dans votre documentaire, mais sur lequel vous avez peut-être eu l'occasion de travailler ou de réfléchir, Louise Muller. Il est question à un moment, je ne sais plus si c'est dans le commentaire ou parmi l'un de vos intervenants, des universités, pour reprendre un mot franglais, le soft power entrepris par la Chine est des plus conséquents. Soft power, on le retrouve évidemment dans tout ce qui peut être culturel, mais également universitaire. De quelle façon, pour ce que vous pouvez en savoir, la Chine essaye de s'infiltrer? J'essaie de choisir les mots les plus délicats, alors que quand même, ils le font franchement et assument pleinement cette stratégie, qu'ils opèrent en milieu universitaire. De ce que vous en savez. Oui, alors pour les spécialistes, effectivement, il y a une réelle infiltration. Derrière l'infiltration économique, donc de la route de la soie, on a une infiltration politique. C'est ce que disent les spécialistes, une infiltration idéologique, c'est-à-dire que, effectivement, ça se matérialise dans certains milieux universitaires. En Australie, par exemple, ils ont énormément financé des associations étudiantes pour faire passer une image positive de la Chine. Ils financent des chercheurs qu'ils invitent en Chine et forcément ils les amènent à faire passer une image positive de la Chine, voilà. Dans les milieux universitaires, ils ont aussi essayé d'infiltrer certaines sociétés d'édition comme les éditions, je crois, de je ne me souviens plus exactement, c'est en tout cas une société d'édition universitaire. Ils ont fait pression pour que certains articles universitaires critiques sur la Chine ne soient pas publiés et la société d'édition en question acceptait de ne pas les publier avant que ce soit médiatisé. Une fois que ça a été médiatisé, elle est revenue en arrière et elle a publié ses articles. Oui, mais convenons quand même que le contraire serait tout à fait contre-productif. Il est tout à fait normal d'essayer de vendre son modèle soi-même à l'échelle individuelle, professionnellement, amoureusement. On va pas essayer de se présenter avec la pire image de soi, sauf à s'appeler Serge Gainsbourg ou Michel Houellebecq. Donc, que leur reprocher par rapport à ça? Oui, c'est normal. C'est vrai, c'est normal. Sauf que c'est une fausse image. Alors voilà, c'est normal de vendre son image. Après, à nous de décrypter justement si c'est une fausse image ou non. Enfin, à nous de voir ce qui se cache derrière cette image-là, justement. Et là, c'est du pipeau. Selon les spécialistes, c'est effectivement du pipeau. Après, il ne s'avance pas. Après, voilà, chez Xi Jinping, il y a énormément de productions de livres. Il écrit son programme noir sur blanc. Et tout ça est vraiment très réjouissant pour le bonheur de l'humanité. Dans ce qu'il écrit, il a des solutions pour chaque problème. Chouette. Des solutions pour la planète, pour le climat. Alors que la Chine reste quand même un des pays les plus pollués et pollueurs. Bon, des efforts sont faits, hein, on ne peut pas non plus... Voilà. Il y a des solutions pour l'Afrique, il y a des solutions pour... tous les pays en développement. Il a des solutions économiques. Il a toute forme. Il a des solutions pour les étudiants. Il veut guider. Il veut pas imposer non plus. Je crois que voilà, les spécialistes sont assez clairs là-dessus. Il ne cherche pas à imposer sa vision du monde, à imposer son système politique, à imposer son idéologie, mais il la propose, voilà, comme un système alternatif au système occidental qui pourrait faire le bonheur de l'humanité. Voilà, c'est dit clairement dans les derniers livres de Xi Jinping. Or, oui, c'est faux, oui, c'est du pipeau, parce que ce système-là ne correspond pas, en tout cas politiquement, à nos valeurs, à nous. Derrière une économie florissante et derrière voilà les contrats qu'on peut signer, il y a un système qui est totalement opposé au système démocratique tel que nous on le définit. Ce qui est très dangereux avec ce genre de pays et d'idéologie, c'est qu'il y a un double discours. Il parle de démocratie, mais ça n'a pas le même sens. Il parle de multilatéralisme, mais ça n'a pas le même sens que pour nous. Il parle de libre-échange, mais ça n'a pas le même sens. C'est toujours à sens unique. Il faut savoir que Xi Jinping, quand même, il nous parle de démocratie, de bonheur, de ça, sauf que juste après son accession au pouvoir, un texte a été rendu public, qu'il aurait lui-même rédigé, selon ceux qui l'ont rendu public, des journalistes, des opposants, voilà. Et il s'agissait des 7 dangers les plus fondamentaux pour la Chine. Et on s'est rendu compte, enfin les spécialistes se sont rendu compte qu'il s'agissait, il appelait force étrangère hostile lui-même, tout ce qui était les composantes de nos démocraties occidentales. La liberté de la presse, très dangereux, le pluralisme, le système des droits de l'homme, les associations défendant les droits de l'homme, voilà. Il avait défini tout ce qui pouvait mettre en péril, en tout cas, son propre système. Quelques mois après son investiture, fin 2012, un premier masque tombe. Ses opposants diffusent dans la presse un document confidentiel dans lequel Xi Jinping aurait synthétisé sa pensée. Peu après son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a promulgué, mais en catimini, de manière extrêmement secrète, un document qu'on appelle le document numéro 9. C'est au printemps 2013 qu'on en a pris connaissance. Il s'agissait de battre en brèche les idées libérales. On y découvre un Xi Jinping préoccupé par les forces étrangères hostiles, énumérant les 7 idées occidentales les plus dangereuses pour la Chine, comme la démocratie, les valeurs universelles des droits de l'homme ou la liberté de la presse. Le document numéro 9 est le premier à exposer les valeurs que porte en lui Xi Jinping. Sa publication a contribué à détruire les illusions de certains à l'égard de Xi. On se rend compte que l'ennemi principal, c'est ce qu'il désigne comme étant les forces étrangères hostiles. Et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que le danger, c'est les valeurs universelles. Le danger, c'est la démocratie libérale. Et donc, le danger, c'est l'Occident. Un extrait du Monde selon Xi Jinping, le prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Louise Muller, réalisatrice du documentaire « Le monde selon Xi Jinping ». Dans pareille parcelle terrestre, le crime organisé peut-il exister? Je veux dire par là un pays à ce point contrôlé par un homme, son parti et puis tout ce qui va autour laisse peu de place à ce type d'hypothèse. Alors évidemment, on est dans un pays où le terme liberté n'existe pas. On a un chapitre orwellien totalement totalement inquiétant, chapitré le crédit social dans votre documentaire. J'en dis pas plus, à découvrir dimanche soir coûte que coûte, parce que celui-là, si on n'est pas convaincu du frisson, on peut l'être assurément, surtout qu'on a les images en plus. Mais voilà, c'est un... Il n'y a pas du tout une promesse de liberté, et il y a une promesse d'ordre, il y a une promesse de carcan, c'est un corset qui permet effectivement au corps social, politique, de se tenir droit. Et évidemment, pour nous, qui sommes à distance critique, qui avons en plus de ça, pour certains, plaisir un peu à ronchonner, à râler, à protester, ça va pas du tout, c'est tout à fait contraire. Et là, c'est un bras de fer culturel. Qui des deux va plier? Celui qui tient l'ordre et entend que la nappe soit propre et que sais-je, ou celui qu'un peu de désordre n'empêche pas de dormir et encore moins de rêver? Oui, voilà, c'est ça. Ils sont en train de tester un système véritablement, enfin, orwellien, dans le sens où ils sont en train de noter les citoyens et d'établir un classement des citoyens entre les bons. Il y aurait de bons et de mauvais citoyens. Alors, c'est en étude, en laboratoire, hein. C'est pas non plus appliqué à la Chine entière. Mais bon, en tout cas, c'est testé dans certaines provinces. Et les bons et les mauvais citoyens auront ou non accès, en fonction de leurs points, à certains services. Services publics, etc., à la possibilité de voyager ou non. Enfin, en tout cas, voilà, c'est grâce à un système de reconnaissance faciale et tout le système de caméras le plus puissant au monde, allié à des super technologies, pour certaines européennes d'ailleurs, voire françaises, les citoyens dans la rue sont tous reconnus, fichés, et on sait si tu es communiste ou pas, si tu as critiqué ou non le parti, et on va ou non te permettre de mettre ton enfant dans telle école, d'obtenir un prêt, de... Voilà, c'est... J'entends bien, mais là, on a affaire à une matrice commune avec l'Occident, parce que le délit de sale gueule, qui est beaucoup plus simple en Occident, n'a pas besoin de s'équiper de pareilles machines. Un simple regard d'un policier ou d'un douanier à la frontière peut faire tout à fait office. Si on ne correspond pas au morphotype attendu de l'être civilisé, on peut se faire fouiller, montrer les papiers, doit monter la patte blanche. Je ne parle pas même de la question des migrants. Donc voilà, c'est un pays qui effectue à sa manière ce que nos territoires font d'une autre façon. Ah non, je sens que vous dodelinez. Non, je suis assez d'accord d'un certain point de vue, oui. Après, nous, on peut quand même se targuer d'avoir une justice beaucoup moins opaque. Et puis d'avoir des droits, hein, tout simplement, le droit de savoir pourquoi on est mis en prison, pourquoi on disparaît dans un camp de rééducation. Voilà, on a droit à avoir un avocat. Nos avocats, ils sont 1 milliard, c'est ça qu'on peut vous rétorquer. Et 1 milliard, ça se tient pas comme moins. Alors voilà, oui, tout à fait. C'est ce que disent les spécialistes, c'est qu'on ne peut diriger un pays d'1 milliard cas de personnes qu'avec une matrice autoritaire. Alors, revenons à votre documentaire, à la route de la soie. Vous nous avez fait une cartographie assez précise. Cartographie à la fois parce qu'on a les images effectivement du développement phénoménal du chantier, mais aussi de ce que la Chine a choisi de mettre en mettant la main au portefeuille, et pas seulement la main au portefeuille, a réussi déjà quelques coups, on va pas les dévoiler maintenant, pour construire réellement cette route de la soie. Est-ce que cette diplomatie du portefeuille, est-ce qu'elle est stratégiquement construite, comme le disent certains? Qu'est-ce qui vous est apparu à vous? Oui, alors sur cette question, les spécialistes pensent qu'il y a différents aspects. Effectivement, il y a l'aspect économique d'abord, enfin et avant tout, hein, puisqu'il s'agit de développer des voies qui vont permettre à la Chine, quel que soit le climat, de vendre toute sa production et de continuer à faire son commerce, de vendre. Et puis en même temps, à certains moments, oui, c'est assez, comment dire, assez bien écrit. Voilà, ils tracent une voie et sur cette voie, ils essaient d'acquérir le maximum de lieux stratégiques comme des ports, des aéroports. Voilà, donc il y a une vraie stratégie assez implacable qui met en dépendance les pays les plus faibles, surtout dans la zone asiatique, voilà, dont ils essaient de faire une sorte d'arrière-base, voilà, économique, bon, stratégique. Une sorte de nouvelle guerre du Pacifique. Hein. Alors, et voilà, il y a l'aspect économique, puis il y a l'aspect militaire aussi. C'est vrai que on les voit de plus en plus tenter de militariser toute la zone de mer de Chine. En le faisant rapidement, qui plus est. Très rapidement. Cela en ne respectant absolument pas les engagements pris aux côtés, par exemple, d'Obama. Ils avaient promis, lors d'une conférence de presse aux États-Unis, de ne pas envahir certains îlots. Voilà. Les promesses d'engagement, etc., etc. Et voilà, hein. Donc on avait retrouvé d'ailleurs ces moments où les promesses de Xi Jinping, et puis au final, ces îlots ont été envahis, hein, qui n'appartenaient plus à la Chine. Hein. C'est assez compliqué, c'est le découpage de la mer de Chine, mais bon, il y a quand même d'autres pays qui revendiquent ces îlots. Donc, ils les prennent et puis ils posent du matériel militaire, voilà, assez dissuasif. Donc, ils sont en train de faire aussi de toute cette mer de Chine méridionale une arrière-base militaire. Alors, pour certains spécialistes, c'est un peu reprendre ce qui lui appartenait. Pour Xi Jinping, cette zone-là lui appartenait. Les Américains sont venus coloniser ces endroits-là et installer eux-mêmes, hein, finalement, leur propre base militaire depuis la Corée du Sud jusqu'à la Thaïlande. Donc il y a toute une sorte de croissant comme ça qui est avec des points militaires américains. Donc Xi Jinping veut faire face à ces points-là et lui aussi se positionner. Donc il y a un vrai affrontement entre les deux superpuissances actuelle, oui. Et certains disent, pardon, que la prochaine étape sera peut-être, hein, pour certains, la prise de Taïwan. Oui, et puis ceci n'est pas pour les Européens, sans réveiller quelques cauchemars des années 30, quand un certain moustachu vociférant parlait d'espace vital et promettait la main sur la Bible qu'en aucun cas il n'y avait de réarmement. Là, évidemment, le parallèle semble un petit peu... Alors, il est clair pour tous les spécialistes que la Chine a décidé de devenir la première puissance militaire mondiale aux horizons de 2049. Alors, c'était une armée qui était très en retard, mal équipée, enfin vraiment à moderniser. Donc, ils rattrapent leur retard, mais ils le rattrapent très vite. Après, pour les dissidents chinois qu'on a eu la chance d'interviewer... Peut-être pas pour eux. Okay. Alors, pour les dissidents chinois, il est clair que le parallèle que vous faisiez apparaît de plus en plus. Moi, j'avais jamais entendu ça, et là, ça devient très, très très flagrant pour eux. En tout cas, voilà, ils le disent très clairement. Moi, j'ai fait le choix de pas retenir ça dans le film parce que il y a un certain, on n'a pas envie de faire d'anachronisme. Chine bashing. Voilà, on n'a pas envie non plus. C'est pas la même histoire, ne se répétera pas. C'est pas, on n'est pas du tout dans les mêmes forces en présence. Enfin. Bon, voilà. Néanmoins, il faut être vigilant. Et ouais. Je pense que c'est vraiment le plus important que l'Europe... Certains, il y a des témoignages très intéressants d'hommes politiques qui disent, il y a 20, 30 ans, on devait choisir entre les États-Unis, l'Europe, l'URSS, c'est ça. Et certains nous disent que dans 20 ans, c'est très clair, on va vraiment devoir choisir, nous, Européens, entre les États-Unis et la Chine. Et pour certains, le meilleur allié serait la Chine. Et c'est ça, c'est cette position-là de certains politiques acquis à la Chine qui est très inquiétante pour de nombreux spécialistes et qu'il est important de relayer aussi. Est-ce qu'on choisit demain le modèle occidental qui est notre histoire aussi à nous? On a quelque part, on n'a pas la même histoire que les États-Unis, mais si on a un grand frère à choisir, est-ce qu'on choisit les États-Unis qui restent quand même un État démocratique ou la Chine qui se présente comme un État démocratique à la chinoise, mais qui est tout sauf un État démocratique et qui est un modèle totalement contraire à nos valeurs universelles des droits de l'homme. Alors, il y a quelque chose également qui m'est venu à l'esprit en regardant votre passionnant documentaire, j'ose dire passionnant, je m'avance, mais ne rosissez pas surtout, en me disant, moi qui regarde ce documentaire, je suis en train de me rendre compte, on me tend un miroir, je prends conscience que j'alimente moi-même l'ogre qui me dévore en achetant Made in China à tout bout de champ. Alors vous-même, j'imagine que vous avez eu depuis un certain nombre de réflexions sur est-ce que j'achète cette paire de chaussures, est-ce que j'achète, je ne sais, un tire-bouchon ou parce que l'Atelier du Monde exporte quand même considérablement sa camelote. Et nous qui aimons acheter discount et peu cher, en profitons lâchement. Alors, comment on fait également avec cette péréquation individuelle? Vous-même, donnez-nous des conseils. Montrez-nous la voie. J'ai de conseils à donner à personne. Là-dessus, chacun a sa propre conscience. Hein. Voilà, est-ce qu'on préfère des produits siglés? Conscience et porte-monnaie, quand même. Oui, après, bon, on peut aussi trouver des filons pour essayer de peut-être d'acheter de notre propre pays. Faire l'effort. Peut-être acheter moins, mais bon, peut-être. Enfin, j'ai pas de conseils à donner là-dessus. Or, je veux dire par là que cette puissance économique de la Chine, elle est pas née comme ça, elle est pas venue comme ça. Et l'atelier est considérable. On l'alimente en permanence. Mais certains hommes politiques, comme le dirigeant français actuel et certains dirigeants européens, essaient de se prémunir, de trouver des lois, au-delà de ça, du quotidien, effectivement, ils essaient surtout de protéger aussi nos entreprises stratégiques qui, quand même, ont été bradées, enfin, bradées, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ont été revendues sans état d'âme à des pays comme la Chine, que ce soit dans la sous-traitance nucléaire, que ce soit au niveau des infrastructures portuaires, d'aéroports, etc. Au niveau européen, c'est quand même assez... C'est l'Allemagne qui marque un peu le coup d'arrêt. Et l'Allemagne, après le rachat donc chinois d'une de ses entreprises stratégiques de robotique, a décidé de réagir et a essayé de faire réagir l'Europe. Fin de la récré, sauf que c'est pas vraiment la fin de la récré, oui. Parce que Macron, qui essaie de faire passer une loi justement protégeant les entreprises stratégiques, se fait arrêter au niveau du Conseil européen par un premier ministre portugais, par exemple, qui... ayant été sorti de la crise par les Chinois, ne pouvaient plus s'opposer à la Chine. Laissez-les faire, ils sont gentils. Vous voyez bien, ils nous aident. C'est ça. Ouais. Et alors, c'est assez délicat, mais en tout cas, il y a une prise de conscience au niveau de l'Europe qui est selon les spécialistes, nécessaire et qui est en train de se passer. Et il y a une vraie aussi prise de conscience au niveau des Américains qui tentent d'amener l'Europe aussi à être plus vigilante. Les Américains ont bien compris que derrière la guerre économique, il y avait une guerre politique et idéologique, et que l'enjeu de demain, c'était quand même ça. C'était, il va falloir choisir son camp, et si on laisse la Chine prendre trop d'ampleur économique, derrière, on a son système politique qui peut nous arriver, et est-ce qu'on a envie ou non de ce système? Les Américains, très clairement, ont dit qu'ils n'avaient pas envie de ce système-là et qu'ils feraient tout pour le combattre. À nous, peut-être, de nous positionner aussi au niveau européen de façon plus claire. À nous peut-être également d'aimer notre propre système, ce qui ne semble pas toujours être le cas. Affaire à suivre donc, vous nous redonnez le titre de votre documentaire, je vous prie. Alors le titre du documentaire, c'est Le Monde selon Xi Jinping. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Je vous en prie, avec plaisir.